بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد L'étude de la science, comme vous le savez, l'étude de la science religieuse est une des meilleures adorations par laquelle on se rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est une cause par laquelle Allah Azza wa Jal élève les musulmans en degré. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ دَرَجَاتِ. Donc dans le sens approximatif de ces paroles, Allah élève ceux qui ont cru d'entre vous et ceux à qui il a été donné la science en degré. Allah tabaraka wa ta'ala nous élève en degré par cette recherche que nous faisons de la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans ce hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui se trouve dans As-Sahih, il dit dans le sens approximatif de ces paroles, celui qui emprunte un chemin vers lequel il demande la science, Allah le facilitera par ce chemin qu'il aura emprunté, un chemin vers le paradis. Ce chemin vers le paradis que nous cherchons tous. Et vous voyez ici dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que la personne qui acquiert la science se verra faciliter un chemin vers le paradis, mais plutôt il dit celui qui emprunte ce chemin. C'est-à-dire que cela est à la portée de tout à chacun. Parfois tu peux t'asseoir dans des assises de science et ne pas forcément tout comprendre ou avoir du mal à apprendre, à écouter, etc., etc., à te concentrer. Mais ce qui est dans ce hadith et ce qui est remarquable dans ce hadith et qui est important de souligner, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas conditionné le fait qu'Allah azza wa jalla te facilite ce chemin vers le paradis, qui est ce que nous recherchons tous, par le fait que tu acquiers la science, mais seulement par le fait que tu empruntes ce chemin. C'est-à-dire juste le fait que tu empruntes ce chemin, par cela Allah azza wa jalla te facilite ce chemin par ce chemin vers le paradis. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté dans plusieurs hadiths qui sont jugés d'une bonne chaîne de transmission, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles que tous les habitants des cieux et de la terre, jusque les poissons dans la mer, demandent pardon pour l'étudiant en science et dans certaines versions pour celui qui enseigne aux gens le bien. Bien sûr, cette version qui dit enseigne aux gens le bien, la personne qui enseigne le bien aux gens ne peut l'enseigner que si lui-même l'a apprise précédemment. Donc ceci rejoint cela. Donc tous les habitants des cieux et de la terre, jusque les poissons dans la mer demandent à Allah Azza wa Jal pardon pour cette personne qui aura emprunté ce chemin vers la science, qui aura demandé la science dans la religion. Et ici dans ce verset de Sourate Nuh, donc la sourate numéro 71, Allah Azza wa Jal dit dans le sens approximatif de ses paroles, j'ai donc dit, implorer le pardon, ceci est la parole d'Allah Azza wa Jal, il rapporte donc la parole de Nuh, alayhi salam, j'ai donc dit, implorer le pardon de votre Seigneur. Nuh qui dit à son peuple, implorer le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Ce que les savants du tafsir mettent en évidence dans ce verset, le fait que Nuh a appelé son peuple à demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Et que la cause de ce pardon est le fait que Allah accorde à son peuple, fasse descendre sur lui des pluies abondantes et qu'il leur accorde beaucoup de biens et d'enfants et leur donne des jardins et leur donne des rivières. Ceci nous le comprenons d'après notre compréhension de la langue arabe. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ يُرْسِلِ. Le verbe ici est majzoum et c'est la cause de l'istighfar, de la demande de pardon. Donc le fait que Allah Azza wa Jal fasse descendre des pluies abondantes à son peuple et lui accorde des biens parmi les enfants, donc des biens de ce bas monde et des enfants, est la cause de leur demande de pardon. Et les savants du tafsir, lorsqu'ils expliquent ce verset, rapportent ce hadith que je vous ai rapporté précédemment, le fait que lorsque tu empruntes un chemin vers la science, lorsque tu apprends la science, l'ensemble des habitants des cieux et de la terre, jusque les poissons dans la mer, demandent pour toi le pardon. Imagine-toi si toi, lorsque tu demandes le pardon, Allah Azza wa Jal te promet de t'accorder ses biens, de faire descendre des pluies abondantes, de t'accorder des biens parmi les biens de ce bas monde et des enfants. Si l'ensemble des gens, des habitants des cieux et de la terre, jusque les poissons dans la mer, demandent le pardon pour toi, quelle sera ta récompense auprès d'Allah Azza wa Jal? Quels seront ces biens qu'il t'accordera? Une chose qui est mise en évidence par les savants du tafsir. Une autre chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été demandé par son Seigneur de demander al-mazid, c'est-à-dire de lui rajouter quelque chose, si ce n'est la science. Vous trouverez un verset donc dans surat Taha, où Allah Azza wa Jal dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa qul rabbi zidni ilma, et dit ô mon Seigneur, rajoute-moi de la science. Il n'y a pas une chose qu'Allah Azza wa Jalla a demandé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander de lui rajouter al-mazid, de lui rajouter de quelque chose, si ce n'est la science. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le dua, qui est à dire lorsque tu bois du lait, ce qui est un dua authentique, une invocation authentique, où tu dis lorsque tu bois du lait, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Oh Allah, accorde-nous ta bénédiction dans ce dernier, le lait, et rajoute-nous de celui-là, rajoute-nous du lait. Et l'ulama, parmi eux, Al-Hafiz ibn Hajar, Al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, nous met en évidence un bénéfice, une fa'ida très importante par rapport à ce hadith. Le fait que, il y a un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu un jour raconter un de ses rêves, comme il avait l'habitude de le faire, car les rêves font partie de la révélation. Il est sorti donc à la mosquée, où il est venu à la mosquée pour raconter, donc dans le sens approximatif du hadith, rapporter ce hadith qui est dans Sahih, Sahihain, Bukhari et Muslim. Il l'a rapporté donc à Sahaba, il s'est assis avec eux, leur a expliqué le rêve qu'il avait fait cette nuit-là. Il a fait un rêve qu'on lui a apporté un verre de lait qu'il a bu jusqu'à ce que le lait sorte du dessous de ses ongles. Puis il en a donné à Abu Bakr, il en a donné à Omar, de ce verre de lait. Et lorsque les sahaba lui ont dit fama awwaltahu ya Rasulallah, comment tu interprètes ce rêve-là, et il a dit al-ilm, c'est-à-dire le lait, il l'a interprété par la science. Al-Hafiz ibn Hajar, lorsqu'il parle de ce hadith, il dit, regardez ce hadith par rapport au fait que Allah Azza wa Jalla n'a pas demandé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce qu'il demande à son Seigneur tabaraka wa ta'ala qu'il lui rajoute d'une chose, si ce n'est de la science. Et dans ce hadith où il nous a enseigné la seule chose qu'il nous a enseigné de demander à Allah Azza wa Jal al-mazid, de nous rajouter de quelque chose, le lait. Et dans l'interprétation du lait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est la science. Donc en fait tout cela se rejoint, le fait que la science c'est la chose que il te convient de demander, et de demander à Allah Azza wa Jal de te rajouter sans cesse, et de faire que tu sois parmi les gens qui œuvrent de cette science. Car cette science-là sera soit, comme il est venu dans ce hadith qui est rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, soit une preuve contre toi, pour toi ou contre toi. Soit une preuve pour toi ou contre toi. Qu'est-ce que tu auras fait de cette science-là? Car cela fait partie des questions, des quatre questions qu'ils sont posées aux serviteurs lorsque ce dernier est interrogé Yom al-Qiyamah. La science de ce serviteur, dans quoi il l'a utilisé, ou dans quoi il l'a, qu'est-ce qu'il a fait de cette science-là. Une dernière chose, donc vraiment c'était un conseil rapide, donc on n'a pas beaucoup le temps, il y a beaucoup de choses à dire, on aura l'occasion inchallah de faire un cours sur cela, sur l'étude de la science, mais vraiment pour s'en joindre au bien ici dans cette assise, et le fait que ce qu'on étudie ici, comme je vous l'ai dit, les caractéristiques principales des gens de la sunna, on étudie notre manhaj, notre aqidah, notre croyance, la première des choses sur laquelle tu seras interrogé Yom al-Qiyamah, plutôt la première des choses sur laquelle tu seras interrogé lorsque tu seras mis dans ta tombe et que tes proches partiront et qu'il te viendra ces deux anges Munkar wa Nakir et qu'ils te poseront ces trois questions que vous connaissez Man Rabbuk, Ma Dinuk, Man Nabiyuk. Donc ces questions là ce sont des questions: qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète, qui est cet envoyé qui était venu. Ce sont des questions qui ont attrait à quoi? À ton dogme, à ta croyance. Donc c'est la première des choses sur laquelle tu seras interrogé. Cette chose là est une obligation pour tout musulman, à tout à chacun, de connaître et de maîtriser. Donc c'est ce que nous faisons ici. Donc je vous enjoins, que ce soit ce cours-là ou autre cours qui traite de cela, le fait d'être assidu et de chercher vraiment la compréhension, de demander à Allah Azzawajal qui t'ouvre à la compréhension. Parmi ces choses-là aussi, il y a certains comportements. On aura l'occasion de mieux le détailler dans d'autres assises. Mais parmi ces comportements, le fait de venir par exemple avec un cahier et un stylo, même si tu n'écris pas grand chose, mais au final le peu de choses que tu auras écrit peut être profitable pour toi Yom El Qiyama. Tu retrouveras cela Yom El Qiyama, le profit que tu auras retiré de ce que tu auras pu écrire, ce que tu auras apprendre dans ces cours. Et ceci était la voie de nos pieux prédécesseurs. Sachez que l'imam Shafi'i dit que parmi les causes de l'avilissement, le fait que la personne vient à un cours de science sans son livre, c'est-à-dire lorsque l'enseignant lit, donc il a son livre et il suit dans le livre. Quand il y a un cours, bien sûr, avec le livre, dans cela, le cahier. Le fait que les traces de stylo sur les vêtements chez nos pieux prédécesseurs étaient, comme le dit Abdullah ibn al-Mubarak, qui faisait partie des imams de At-Tabi'in, étaient comme les traces du bon parfum, comme des traces de bon parfum sur la camise de l'un d'entre vous. Lorsqu'il y a des traces de stylo, pour eux, chez nos prédécesseurs, c'était comme les traces d'un bon parfum, c'est-à-dire c'était quelque chose de valorisant, le fait qu'il a des traces de stylo, car il a beaucoup écrit. Vous comprenez? Comme cela, le fait que nos pieux prédécesseurs, et c'était leur voix, lorsque les cours se trouvent par exemple dans cette mosquée ou dans une mosquée qui peut être loin de chez toi, le fait que toi, tu te dois de faire l'effort de venir assister à ces assises de science, ces assises dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit humul qawm alladhi la yashqa minhu jalisuhum. C'est le peuple, c'est les peuples qui remplissent ces assises de science, c'est le peuple duquel celui qui s'assoit avec eux ne sera pas triste, ne sera pas attristé. Et comme cela, comme vous le savez, dans ces assises, Allah Azza wa Jalla fait descendre sa miséricorde, envoie ses anges qui nous enveloppent de leurs ailes. Tous ces hadiths que vous connaissez déjà, je me permets de vous le rappeler, hafizakumullah, on se le rappelle les uns les autres. Aussi, comme je vous dis, lorsque le cours est loin de chez toi, on se rappelle cette parole, ou cette histoire de Jabir ibn Abdillah, qui a voyagé un mois à dos de chameau pour aller chercher un seul hadith auprès de Abdallah ibn Unais. Donc il est parti de Médine, Jabir ibn Abdillah, jusqu'à Abdallah ibn Unais, radiallahu anhuma, qui se trouvait à la région de Sham, c'est-à-dire aux alentours de la Syrie, pour chercher quoi? Un seul hadith. Ce hadith-là, il pouvait l'entendre d'autres parmi as-sahaba, qui l'avaient entendu eux-mêmes de Abdallah ibn Unais. Mais lui, il voulait l'entendre directement de celui qu'il a entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'élever sa chaîne de transmission et de le prendre directement de celui qu'il a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un mois, juste pour un seul hadith. Et c'est pour cela que l'imam al-Bukhari a rapporté ce hadith dans son sahih. Il l'a rapporté mu'allaqan, c'est-à-dire sans chaîne de transmission. Et il dit, il a rapporté ce hadith sous la porte Bab al-Rihla fi al-Talab, la porte du voyage pour étudier la science. Le voyage, là on ne parle pas de voyage lorsque tu viens, même si tu viens d'un autre département que le 91, n'importe quel département d'ici de la région parisienne, ce n'est pas un voyage. Mais eux, ils voyageaient pour un seul hadith. Donc voilà, on se rappelle entre nous pour s'entraider dans le bien et dans les bonnes œuvres. On aura l'occasion de faire des assises sur l'étude de la science, inshallah ta'ala, wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.